Bien oui, il y a possibilité d'un autre monde, il s'agit juste d'y croire et de se mettre en action. Alors, bienvenue dans votre cyber-revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginat, je serai avec vous pour les deux prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal. Alors, mes amis, alors nous sommes de retour ensemble. Ceci sera l'avant-dernière. Je vais vous faire une dernière émission la semaine prochaine. Et puis après ça, votre humble serviteur va se retirer pour environ un mois et demi. Et puis après ça, ben je vais mettre en marche plusieurs choses. Là, et puis on va vous revenir après ça en force pour la session automne. Alors, n'oubliez pas non plus, comme je l'avais dit la semaine passée, que je vais aussi produire des émissions de façon sporadique et de durée différente, indéterminée, durant l'été. Alors, allez visiter chaque semaine quand même là, la chaîne YouTube de l'Autre Monde, qui est montée et alimentée par notre collaborateur Stéphane Poutoir. Merci Stéphane pour ton excellent travail. Alors, ben voilà, nous en sommes à l'édition du 8 juillet 2012, et puis nous en sommes à la combientième? Attendez un peu, je regarde cela. Nous en sommes à la 211e ici de l'autre monde. Vous allez voir dans les archives, peut-être un chiffre là, qui montre 213, là, mais il y en a là-dedans qui sont des reprises, alors je ne les compte pas. Mais on est rendu dans ces eaux-là. Alors, voilà. Donc, cette semaine, au menu, qu'est-ce qu'on a? On a Fukushima nucléaire. Comme d'habitude, on essaie d'en parler ici à chaque semaine, puisque les médias occultent complètement cette question, ou quasiment, en tout cas, complètement, réellement, là, par rapport à le sérieux de cette situation. Il n'y a vraiment pas assez de temps d'antenne et puis d'articles qui sont consacrés. Alors, ben, je vais vous faire la grâce des nouvelles les moins importantes, et puis je vais vous concentrer les nouvelles les plus importantes de la semaine dans ce dossier. Ensuite, nous allons parler d'économie encore. Je l'avais promis, on va le faire. Alors, on va parler d'économie, et puis on va aussi effleurer quelques nouvelles de l'actualité mondiale. Donc, voilà, la table est mise pour cette émission. Alors voilà, alors bonne épopée, chers auditeurs. Alors, nous allons commencer avec le Japon. Eh bien, c'est ceci qui sera le premier item sur le menu. Fukushima, écoutez, la situation de semaine en semaine, on découvre qu'elle est toujours plus sérieuse, plus... mon Dieu, les mots me manquent réellement, là. Plus grave que ce que... on le pensait. On se rend compte aussi à quel point le gouvernement, le lobby de l'industrie, de l'énergie nucléaire, l'armée, les médias, mais particulièrement le gouvernement japonais et puis TEPCO qui est la compagnie là, qui était propriétaire et gestionnaire de ces centrales nucléaires à Fukushima Daiichi. On s'aperçoit à quel point, dans le fond, ces gens-là possédaient quand même pas toute l'information, parce qu'ils en découvrent encore aujourd'hui, mais ils savaient à quel point ce qui venait de se passer était grave, et puis qu'on avait de loin surpassé Tchernobyl dans les heures qui ont suivi le tsunami et puis le tremblement de terre. Alors, déjà là, écoutez, un exemple fulgurant était le fait qu'ils ont admis un truc comme 6 mois plus tard que les crayons de combustible étaient entrés en fusion. Alors, réellement, là, on avait appris que ces gens-là, à TEPCO, le savaient, le gouvernement américain, je crois, en tout cas, le japonais, pour être certain, le savait. La journée même ou les journées qui ont suivi après, là, donc écoutez, ça a pris 6 mois avant de vous avertir qu'on avait eu un événement qui était au moins 4 fois plus grave que Tchernobyl qui venait de se produire. Imaginez un truc qui est plusieurs fois la gravité de Tchernobyl et puis on vous a annoncé 6 mois après que en fait, les cœurs étaient entrés en fusion. Alors, écoutez, ça vous donne vraiment un exemple de cette situation. Ben là, vous avez des nouvelles encore qui continuent de sortir, toujours particulièrement de Arnie Gunderson. J'en ai souvent parlé. C'est vraiment une des sources les plus importantes, les plus crédibles, et puis je dirais même légitimes dans ce dossier-là. Lui, il est ingénieur nucléaire et puis il a travaillé dans l'industrie nucléaire aux États-Unis. Alors, le monsieur, évidemment, est très, très ferré dans son domaine et puis il est assez âgé, donc ce qui laisse évidemment comprendre que le personnage a aussi beaucoup d'expérience. Et puis, ben écoutez, cette semaine, il arrive avec d'autres révélations qui sont vraiment très chocs. Il dit qu'ils ont testé, ils ont tout récemment testé des filtres à air qui ont les plus hauts taux de radioactivité vus en Amérique du Nord après Fukushima Daiichi. Ça a été trouvé à Seattle dans un purificateur HEPA. Alors, les filtres HEPA qui sont des filtres à très haute performance là, pour nettoyer l'air. Qui ont été utilisés depuis le 3, c'est-à-dire le mois de mars 2011. Alors, on a une vidéo de ça, allez voir. J'ai souligné en jaune aussi ces titres-là, très importants. Et puis, toujours dans la même branche, vous avez toujours Arnie Gunderson qui aussi révèle que à Fukushima, les dernières enquêtes qu'on a faites à l'unité numéro 1 ont indiqué que le combustible nucléaire avait quitté le vaisseau, en fait, l'enceinte de confinement dans lequel ils sont censés rester. En fait, c'est vraiment ça qui est censé séparer ces crayons de combustible et la radioactivité du monde extérieur. Alors, vous imaginez que ces trucs-là sont vraiment très importants et puis que si le nucléaire en sort, le matériau nucléaire, le combustible, s'il en sort de cette chambre de confinement, eh bien, évidemment que on se retrouve avec un sérieux problème. Alors, là, écoutez, on révèle dans cet article que Tokyo Electric, donc c'est TEPCO, a mené des tests dans le sous-sol de l'unité numéro 1. Alors, il dit, Arnie Gunderson, qu'évidemment, ce test n'a pas été fait à l'intérieur de l'enceinte de confinement, mais bien à l'extérieur de celle-ci. Et puis, à la surface de l'eau, ils ont trouvé des radiations létales, mortelles, de 1000 rem par heure. Écoutez, c'est extrêmement élevé, là. But, écoutez ceci. Ils ont aussi cherché plus profond dans l'eau. Et puis, ils ont trouvé que ce qui était encore pire que ce qu'ils pensaient, c'est que au fond, dans le fond même de ce sous-sol qui est inondé par l'eau, qui est hautement radioactive, ils ont trouvé des sédiments au fond, et puis qui étaient des milliers de fois plus radioactifs que ce qu'ils avaient trouvé à la surface à 1000 rem par heure, imaginez. Vous imaginez un peu là, l'état de la situation qui est vraiment catastrophique. Et ceci indique que ce combustible nucléaire a quitté son enceinte de confinement et puis que ces particules se sont répandues à l'extérieur de cette enceinte et se sont déposées au fond, à l'extérieur de cette enceinte. Alors, Ernie Gunderson dit qu'il pense qu'il est très clair que les indications, évidemment, qu'on y retrouve implique que, évidemment, cette enceinte a été fissurée, compromise, anyway. Alors, vous devez comprendre, comme Ernie Gunderson l'explique, que ça va faire en sorte que la décommission de ces centrales nucléaires, qui étaient déjà beaucoup trop difficiles, déjà, eh bien, avec cette information, cela, évidemment, rempire toute cette situation. Alors, voyez le type de nouvelles devant lesquelles on se retrouve semaine après semaine. Ça déboule. Écoutez, à chaque semaine, je suis ce dossier. À chaque jour, je vais chercher les nouvelles et puis je les garde tous. Alors, je les ai tous sur mon ordinateur et puis j'ai un bon dossier maintenant sur Fukushima. Alors, comme je vous dis, c'est un dossier auquel je suis très au fait et puis je ne cesse de m'étonner semaine après semaine de la gravité des nouvelles qui en sortent quand on se donne la peine de fouiller un peu ce dossier. Alors, j'en ai parlé souvent, je tiens à le répéter parce que c'est vraiment ça qui est assommant, chers auditeurs. Ensuite, bon, vous avez d'autres nouvelles dans ce dossier-là, allez consulter. Ensuite, vous avez un panel d'investigation, d'enquête au Japon qui ont déclaré que cette crise, ce désastre nucléaire au Japon était prévenable, c'est-à-dire qu'on pouvait le prévenir. OK, c'est en réalité à la conclusion à laquelle ils en sont venus, parce que en fait, ils disent que ce désastre n'aurait pas dû se produire. En fait, ce désastre est le résultat d'une collusion à l'intérieur du gouvernement, des régulateurs, des opérateurs de cette centrale nucléaire. Et puis, un expert de ce panel a déclaré la semaine passée que, après avoir conclu une enquête qu'ils ont faite dans ce pire accident nucléaire depuis 25 ans, en réalité, depuis l'histoire de l'énergie nucléaire, ils disent que les dommages qui ont été causés par le fort tremblement de terre le 11 mars 2011, et non pas seulement, évidemment, les dommages qui ont été causés par le tsunami qui a été causé par ce tremblement de terre, ne pouvaient pas être exclus comme la cause de l'accident. Mais ces gens-là disent que vous avez une autre enquête parlementaire japonaise ici qui ont conclu que Fukushima est un désastre causé par l'homme. OK? Un désastre causé par l'homme. Ce n'est pas un désastre naturel en premier lieu. Il y a eu énormément de négligence. On savait que ces centrales-là étaient vieilles. On savait qu'il y a beaucoup de matériaux, en fait, de combustible utilisé nucléaire qui y étaient. Vous avez aussi bon des histoires de murs de protection qui n'étaient pas assez hauts. Vous avez eu de la négligence, un paquet de trucs comme ça. Alors, on dit que ce désastre nucléaire de Fukushima est le résultat d'une multitude de facteurs causés par l'homme, incluant des régulateurs qui n'ont pas fourni de prévention adéquate et puis un gouvernement qui, de toute évidence, a manqué d'intérêt et d'engagement pour protéger le public. Donc, vous avez celui qui a siégé, en fait, qui a dirigé ce panel, un professeur émérite de l'Université de Tokyo, monsieur Kurokawa. Alors, lui, il a déclaré que ce désastre nucléaire de Fukushima ne peut pas être regardé, considéré comme étant un désastre naturel. En fait, il dit au lieu, ceci est un désastre causé par l'homme, profondément causé par l'homme. Donc, il dit que ceci aurait dû et aurait pu être prévu et prévenu. Alors, voilà, quand même assez renversant comme nouvelle. Donc, voilà, je vais m'en tenir pour ceci dans le dossier de Fukushima. Et puis maintenant, on va faire un bref aperçu là, des nouvelles qui se passent en fait, sur la planète, chers auditeurs, particulièrement au Moyen-Orient. On va parler un peu de terrorisme, on va parler des guerres déclarées et non déclarées qui se déroulent. J'en fais état en fait régulièrement là, dans les émissions. Les nouvelles continuent à sortir. Alors, c'est vraiment un dossier très important qu'on continue de suivre. Alors, on va parler de tout ça, évidemment, la Syrie, Liban, ces pays-là qui sont sur la liste des pays à faire tomber. Donc, on veut contrôler le Moyen-Orient, comme l'avait déclaré Zbigniew Brzezinski dans son livre The Grand Chessboard, qui déclarait que pour assurer l'hégémonie du prochain siècle, en fait, l'hégémonie américaine sur la planète Terre, on devait contrôler le Moyen-Orient. Alors, voilà. Donc, ça, c'est évidemment des plans qui remontent à plusieurs administration passée, puis même d'un pays étranger qu'on nomme Israël. Alors, ça aussi, c'est important de comprendre, alors qu'il a été bien écrit dans ce document qu'on appelle le PNAC, qui a été fondu, en fait, sur le document qu'on appelle un clean break, qui a été produit en Israël auparavant. Alors, qui est finalement le plan néocon sioniste là, pour contrôler le Moyen-Orient. Donc, évidemment, c'est pour l'intérêt d'Israël qui veut contrôler la région entière, recréer le grand Israël. Et puis, les intérêts américains aussi dans la région. Alors, on veut mettre en place des régimes marionnettes qu'on contrôle. Et puis, vous avez remarqué, si vous êtes un auditeur régulier de l'émission, dans le passé, que j'ai souvent fait état de ces pays qui sont des dictatures sanglantes qui oppriment la population, comme au Bahreïn, au Yémen et différents endroits comme ça, en Arabie Saoudite. Mais ces régimes-là sont des amis de Washington et puis des alliés d'Israël, bien souvent. Et puis ces pays-là, on les laisse tranquilles, on n'en parle pas. Et puis après ça, ben on a des régimes qui réellement, si on est honnête, là, je vais vous dire bien franchement, sont mieux que ces régimes-là, comme au Bahreïn, ainsi de suite. Et puis, ceux-là, on les dénonce, on veut les attaquer, les faire tomber, on veut faire pleuvoir les bombes radioactives du ciel sur ces populations, comme en Libye. On a tué de 30 à 50 000 Libyens, si les chiffres sont exacts. Alors, une opération humanitaire dans laquelle on tue des dizaines de milliers de civils, je vois pas en quoi cela tient de l'humanitaire réellement là. Je comprends pas le concept là, de la guerre humanitaire. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez là réellement là, une guerre humanitaire, un oxymoron. Alors un oxymore. Donc voilà un peu le topo là. Donc c'est effectivement un plan qui a été préparé. Il y a au moins une décennie de ça. C'est pas même bien avant ça. Ça fait longtemps là, que ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient était prévu, planifié. Et puis, ceci n'a rien des théories de conspiration, chers auditeurs. Comme je vous dis, j'ai nommé des documents, il y en a d'autres. Vous avez le général Wesley Clark qui en a parlé, il avait nommé tous les pays qui sont tombés jusqu'à date, il avait inclus la Syrie qui n'est pas encore tombée, la Corée du Nord et puis l'Iran. Alors, vous voyez que ces gens-là qui sont en fait sur un agenda, alors eux, ils veulent contrôler le Moyen-Orient et puis le Proche-Orient et puis ils mettent la gomme pour y arriver. Alors, on ne recule devant rien. Ces gens-là n'ont pas grand-chose à foutre de la vie des gens et puis de leur qualité de vie. À regarder comment l'Irak se portait avant l'invasion de 2003 et puis comment elle se porte depuis l'invasion et puis comparer et puis dites-moi que les Irakiens sont mieux aujourd'hui depuis l'invasion américaine. Même affaire avec l'Afghanistan, même affaire avec les autres pays qu'on a attaqués comme bon la Yougoslavie, comme le Yémen indirectement. Alors c'est des guerres non déclarées. Donc voilà la Libye. Regardez ce qui se passe en Libye. Je veux dire, ça s'est pas amélioré là, ça a pas aidé là l'intervention. Là, ça a juste fait dégénérer les choses encore plus et puis faire tomber le pouvoir. entre les mains de différentes factions qui se combattent l'une l'autre. Alors, on est finalement créé une genre de zone de no man's land. Alors, c'est comme ça que on déstabilise les pays. Et puis après ça, quand ils sont très faibles, ils sont à genoux, ben on peut les contrôler, particulièrement leurs ressources naturelles et puis les corridors géostratégiques qu'ils représentent. Alors, des fois, ce sont le long de des parcours de pipeline qu'on veut établir, et puis en partance de la mer Caspienne vers l'océan Indien pour diriger vers les marchés asiatiques, alors ainsi de suite. Donc, différentes raisons, j'en ai souvent parlé, je fais des retouches comme ça, on finit par, à force d'en parler, puis de l'aborder de différents angles, à comprendre réellement ce qui se passe. Ça n'a rien à voir avec des théories de conspiration. Je veux dire, c'est des documents qui sont écrits. Vous avez des programmes, des entraînements, des simulations de différentes armées comme Israël, comme le Pentagone. Alors, c'est des documents qui existent, là, réellement. Vous pouvez être bien certain de ça. Alors, voilà, donc ça va être à peu près ça, plus différentes nouvelles diverses, là, dont la première ici que j'ai dénichée cette semaine, que j'ai trouvée quand même fort intéressante, où on parle que les statistiques prouvent, ça évidemment c'est aux États-Unis, les statistiques prouvent que les médicaments de prescription sont 16 400% plus mortels que les terroristes. Alors, une donnée quand même assez loufoque et très intéressante, évidemment. Donc, évidemment, on a très peur du terrorisme depuis le 11 septembre. On n'arrête pas d'en parler. Le 11 septembre 2001, on se rappelle à New York. Et puis, ben écoutez, cette journée tragique de l'histoire américaine, vous avez 4 Boeing commerciales qui se sont écrasées. Et puis, imaginez si vous en aviez 6 de ces jumbo jets qui s'écrasaient chaque jour aux États-Unis, tuant plus de 783 936 personnes chaque année. Alors, évidemment que ceci se qualifierait certainement comme une tragédie massive, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Alors, pas juste aux États-Unis, on en parle parce que les données sont disponibles là, mais évidemment que ces médicaments-là, on les utilise partout dans nos nations, alors en France qu'au Canada et ailleurs. Et puis, on apprend que, là, dans cet article, là, que là, c'est un chiffre un peu élevé. Là, les chiffres que j'avais lus, moi, c'est de 100 à 200 000. Mais ici, on avance que 750 000 personnes meurent aux États-Unis à chaque année. Et non pas dans des crashs d'avions, dans des écrasements d'avions. Ils meurent, en fait, de des raisons beaucoup plus communes et rarement perçues par le public comme étant dangereuses. Les médicaments modernes. Alors, selon un rapport médical de 2003 qui s'appelle Death by Medicine, qui a été écrit par les docteurs Gary Knoll, Caroline Dean, Martin Feldman, Deborah Razio et Dorothy Smith. Alors, on apprend que 783 936 personnes aux États-Unis meurent à chaque année à cause de des erreurs des médicaments conventionnels. Alors, on dit que c'est l'équivalent de, comme on disait, 6 avions jumbo qui s'écraseraient à chaque jour, pour une année au complet. Alors, comment se fait-il qu'il n'y a pas d'attention de la part des médias pour cette tragédie? Hein? Où est le soutien du gouvernement pour arrêter ces erreurs médicales avant qu'elles se produisent? Alors, voilà des deux poids, deux mesures dans nos sociétés. Ça, ça en est un exemple flagrant. Alors, ça valait la peine de rapporter ça. On est en train de rouvrir le dossier aussi de Yasser Arafat. Alors, Yasser Arafat qui, bon, si vous consultiez les médias alternatifs, eh bien, écoutez, depuis sa mort, on soupçonne fortement, là, je veux dire, on a toutes les raisons de croire qu'il a été assassiné, qu'il a été empoisonné par un pays dénommé Israël. Mais évidemment qu'on n'a pas de preuve encore qui a été établie à cet effet. Alors, Israël s'en est défendu et a dénié toute responsabilité dans ce dossier-là jusqu'à maintenant. Eh bien, on a trouvé une dose de polonium, une dose qui était assez élevée, en fait, qui était vraiment pas normale, qui a été trouvée dans la pâte à dents qui appartenait au leader palestinien Yasser Arafat, a rapporté Sky News Reports. Alors, assez intéressant. Un secret qui a été enterré lorsque Arafat a été mis à la terre. Et puis, vous avez l'autorité palestinienne qui se prépare à exhumer le corps. Ce n'est déjà fait. Et puis, pendant ce temps-là, Israël a nommé l'empoisonnement d'Arafat comme étant des prétentions sans base, sans fondement. Ensuite, on va aborder le dossier de la Syrie, évidemment un dossier très chaud, alors vous en doutez, j'en parle assez régulièrement, il faut y revenir à chaque semaine avec les nouvelles les plus intéressantes, les plus importantes en tout cas, là, je veux dire, je pourrais vous en passer pendant 45 minutes, mais on va y aller vraiment ce que je juge comme étant le plus important. Ce que vous entendez déjà dans les médias et puis qui est acceptable comme information, je la laisse la digérer par vous-même. Là, je fais que je vais vous apporter pour le moment les morceaux qui vous manquent pour compléter le puzzle, finalement, la vue générale de ce tableau qu'on a devant nous. Parce que je vais vous dire une affaire, chers auditeurs, si je me fie à ce que j'entends à la radio, à la télévision, dans les journaux ici, réellement. Si je compare ça avec la réalité sur le terrain, on a affaire à deux situations différentes, un peu comme dans le cas de Fukushima. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Je veux dire, ce que les médias nous rapportent, les gouvernements, dont particulièrement américains et israéliens, sont mensongers. C'est carrément des mensonges, de la propagande. Je sais même pas comment nommer ça. Je veux dire, c'est pire de la propagande. Là. C'est espérer que les gens sont complètement imbéciles et puis ignorent et puis ne cherchent pas à savoir un peu plus loin que ce qu'on leur dit constamment. Et puis on espère que les gens vont les croire sur parole. Je sais pas à quoi qu'ils s'attendent, mais réellement, le publier des nouvelles de même, quoi que ça a l'air à fonctionner, la population en général a l'air à croire ce que les médias semblent avancer, ainsi que le gouvernement américain. Et puis d'autres nations qui sont un peu dans le même bateau que les États-Unis puis Israël. Mais là, vraiment, vous avez une poussée très forte là, ces derniers temps là, pour aller vers une intervention. Là. Donc, vous avez différents groupes, même nations, qui ont demandé officiellement là, à l'ONU de se pencher sur cette situation et puis possiblement d'autoriser une intervention dans le pays. Alors, vous avez un article ici qui provient de Britt D., contributeur au Activist Post, qui détaille les trois étapes d'un plan pour déstabiliser la Syrie. Très intéressant article où on apprend que le président Bachar al-Assad de la Syrie a déclaré, lui, que vous avez des gouvernements étrangers qu'il n'a pas nommés, qui sont derrière les trois étapes d'un plan pour déstabiliser le pays et puis de faire tomber son gouvernement. Alors lui, il déclarait ça à un journal turc qui s'appelle le Cumhuriyet. Alors al-Assad a déclaré à ce média que le premier stade avait été de payer des démonstrateurs, des manifestants pour descendre dans les rues et puis participer à des manifestations. Alors, on dit que ces manifestants étaient initialement payés 10$ et puis qu'on a monté ce montant à 50$. Alors qu'il devenait de plus en plus clair que ceux qui finançaient ces manifestations essayaient de créer un autre carré tahrir comme en Égypte. Mais en réalité, ça n'avait pas l'air à prendre beaucoup. Et puis, il semblait que ce soulèvement social ne serait pas facile à obtenir comme on l'a eu dans d'autres nations de l'Afrique du Nord comme en Égypte. Alors, vous avez cet article ici là, qui parle de différentes affaires que Assad a déclarées à leurs différentes stations. Lui, il dit qu'il voulait, ces pays étrangers, faire en sorte que les gens descendent dans les rues comme ce fut le cas en Égypte et puis en Tunisie, mais ils n'ont pas réussi à créer ce phénomène. Et puis, ce faisant, ayant en réalité raté de faire mousser, si vous voulez, ce soulèvement populaire, vous avez le deuxième stade du plan qui est la création de régions libérées à l'intérieur du pays. Alors là, vous voyez, là, on déclare que c'est une tentative de militariser certains territoires, comme un peu ce fut le cas à Benghazi, qui est un peu comme le modèle là, en Libye. Mais l'armée syrienne n'a pas permis cela. Alors, on dit qu'à Benghazi, en Libye, vous aviez des SAS, des SAS, enfin, alors des soldats spécialisés, entraînés, anglais, donc de la Grande-Bretagne, qui étaient sur le sol conseillant et entraînant les rebelles depuis le début de ce qu'on a appelé ce supposé soulèvement spontané rebelle qui était en réalité des mercenaires, des extrémistes qui ont été armés, qui n'avaient rien à voir avec un soulèvement populaire général. Alors, important article, je vais pas passer au travers, là, mais écoutez, c'est un article fort intéressant parce que ça résume bien là la situation de ce qui s'est passé en Libye puis de ce qui est en train de se passer en Syrie, parce que c'est vraiment un papier collé qu'ils sont en train de faire là. Donc si on comprend le premier, on va comprendre le deuxième. Vous avez cet article important à aller lire là pour comprendre cette histoire, mais grosso modo, ce que vous devez comprendre, c'est que on a maintenant des zones qui sont détenues par des rebelles militarisés, comme à Homs, et puis vous avez ces gens-là qui mènent dans ces villes, qui sont finalement des extrémistes, des terroristes, même des gens de l'Al-Qaïda. Et puis là, on assiste à toutes d'affaires comme des meurtres, des bombardements. On lance des roquettes, des missiles sur des institutions étatiques. On massacre des civils ciblés et puis on les kidnappe. Alors il se passe toutes sortes d'affaires comme ça. C'est un peu comme je vous disais en début d'émission, en Afghanistan, en Irak. Alors depuis qu'on est intervenu dans ces pays-là, il n'y a pas un succès. Il n'y a pas un pays qui se porte mieux, qui est en meilleure situation, qui a des meilleures infrastructures, qui a plus de liberté. Arrêtez là, je veux dire, c'est un désastre à chaque fois. À chaque fois. Et puis, cette intervention qui se rapproche de jour en jour en Syrie, ben ça va être avec le même résultat. Ça va être un échec encore pour, en réalité, aider la population, parce que le but n'est pas d'aider la population en premier lieu, évidemment. Alors, la population va en souffrir. Alors, ça va être un désastre. Et puis, on va détruire des installations publiques comme des aqueducs, des usines de filtration d'eau, ainsi de suite, des ponts, des autoroutes. Et puis ça se passe dans chaque pays où on est intervenu, OK? Allez voir sur le terrain qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui, puis comment c'était avant qu'on intervienne. Je veux dire, la situation, c'est le jour et la nuit, là. Alors, très important de comprendre ce qui se passe là-dedans, là. OK? Il est certainement possible que Al-Assad exagère un peu comme dans ses propos, ou qui pourrait peut-être même mentir à propos d'une implication étrangère dans la déstabilisation de la Syrie, bien qu'il y a une quantité importante d'évidence soutenant ces affirmations. Mais vous devez comprendre aussi qu'il a été largement admis que ce qu'on appelle la Syrian Free Army, donc l'armée syrienne libre, a été armé, en fait, est armé par les pays occidentaux et plusieurs États arabes. La présence de l'Al-Qaïda en Syrie est même admise par les deux gouvernements, autant britanniques qu'américains. Et puis, il est aussi compris que les pires violences terroristes proviennent de ces extrémistes islamiques qu'on finance et puis qu'on arme et puis qu'on insère dans le pays par les pays occidentaux, particulièrement les États-Unis et puis Israël. OK? Alors, un article fort intéressant pour vous à aller découvrir. Ensuite, vous avez l'OTAN et eux autres qui ont lancé ce qu'on appelle des jeux de guerre, là, War Games, alors des scénarios de préparation. On fait des exercices militaires dans la mer Méditerranée, alors que se déroulent toutes ces tensions avec la Syrie. Donc, on a ce qu'on appelle un pays qui s'appelle la Turquie qui agit de façon assez étrange, là, je vais vous dire, depuis un certain temps, là, vraiment, là, eux autres, là, on dirait qu'ils jouent la partie du nouvel ordre mondial par excellence, là. Alors, on se prépare maintenant avec ces deux pays-là, donc l'OTAN et puis ces deux pays-là, c'est en fait la Turquie et puis l'OTAN. On se prépare à cette escalade de la violence et puis de la venue d'une guerre éventuelle. OK? Donc, on a là, ce qu'on appelle le Standing NATO Maritime Group 2, qui est déterminé à donner un message très clair aux terroristes dans la région que l'OTAN est en service dans cette région justement. Donc, assez particulier encore là. Alors, vous avez cet article assez important et puis vous devez comprendre que justement, là, toutes les petits bidules militaires de l'OTAN sont maintenant potentiellement en position pour le même genre d'assaut en Syrie qu'on a vu se préparer, là, comme par exemple là, en Irak, en Afghanistan. Et puis en Libye, alors les mêmes patterns, chers auditeurs. C'est pour ça que je vous dis, si vous comprenez un de ces cas-là, vous allez être capable de comprendre les autres, ok? Parce que c'est les mêmes, grosso modo, les mêmes plans, les mêmes organisations, les mêmes mensonges, les mêmes techniques, les mêmes méthodes. Voilà. Donc ensuite, vous avez un article ici qui parle du Tsahal, l'armée israélienne qui va détruire un village libanais. En fait, excusez-moi. C'est parce que je voulais traduire la nouvelle en anglais, là, de l'anglais vers le français, mais je l'ai mal traduite. En fait, c'est l'armée israélienne qui a déclaré qu'ils vont détruire quelconque village libanais qui lancerait des roquettes vers l'Israël. Alors, c'est en fait, un peu comme une menace, là, si vous voulez. Alors, grosso modo, si on traduit ça veut dire que le gouvernement israélien pense qu'ils peuvent s'en tirer les mains claires. Et puis qu'ils vont possiblement créer une fausse attaque terroriste, un false flag, une diversion, comme une justification pour envahir le Liban encore. Alors, ça aussi, c'est une autre guerre qui est sur le back burner là, du barbecue, comme on dit, là. Alors, sur un rond, sur une tablette, mais là, elle a été ressortie de la poussière. Et puis, vous avez des préparatifs assez importants qui ont été apportés, qui ont été exécutés par l'armée israélienne, le gouvernement israélien, pour une deuxième guerre contre le Liban. Alors, on avait été extrêmement humiliés, frustrés lorsqu'on avait perdu cette guerre contre le Liban il y a quelques années. A été défaite par l'Hezbollah. Et puis, Israël a tout le temps, s'est tout le temps promis en fait, de récidiver et puis de prendre sa revanche. Alors, je vois de plus en plus de signes dans les médias, de plus en plus de nouvelles qui proviennent d'Israël, comme quoi qu'on y songe et puis on la prépare tranquillement. On est en train de préparer un scénario, une fausse attaque terroriste qu'on pourra blâmer sur le Liban et puis justifier cet autre acte sauvage de meurtre de masse, et ainsi de suite. Alors, assez particulier. Vous avez l'Iran qui a découvert plus de 6 milliards de barils de nouvelles réserves de pétrole. Alors, envahissez, a dit Washington. GlaxoSmithKline a admis avoir commis une fraude criminelle pharmaceutique dans un dossier, une poursuite judiciaire de plus de 3 milliards de dollars. Alors, la compagnie enregistrée en Grande-Bretagne fait face à des pénalités de 3 milliards de dollars après avoir plaidé coupable dans en fait, la plus grande fraude médicale de l'histoire. Alors, imaginez le type de nouvelles qu'on retrouve dans les nouvelles semaine après semaine. Assez incroyable. Alors, GSK qui a admis que des docteurs avaient été corrompus, on leur avait offert des pots de vin, hein, pour les pousser à prescrire des médicaments dangereux en échange de billets pour aller voir des spectacles de Madonna. Des vacances à Hawaï, de l'argent, vous avez bon, toutes sortes d'affaires comme ça, des petits cadeaux là qu'on donne, tu sais. Après ça, les docteurs, ben, ils prescrivent leurs médicaments comme des bonbons. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Ils ont aussi admis avoir distribué de l'information qui était erronée ou qui pouvait finalement conduire à l'erreur. Regardant en fait concernant le Paxil, l'antidépresseur Paxil. Alors, ils ont émis un rapport qui disait que le Paxil était correct pour les enfants. Et puis, ils avaient omis de mentionner des données qu'ils avaient, des études qui prouvait en fait son inefficacité chez les enfants et les adolescents. Donc, toutes sortes de trucs comme ça. Un autre médicament, Avandia, qui a été utilisé en Grande-Bretagne pour traiter le diabète, qui a été retiré à cause des inquiétudes assez importantes là, sur sa sécurité, incluant des risques d'attaque du cœur. Imaginez, vous prenez un médicament et vous faites une attaque du cœur. Donc, le gouvernement a déclaré, le gouvernement américain a déclaré que GSK avait d'ailleurs tenté de dissimuler ces données entourant ces dangers. Et puis, vous avez un troisième cas qui est le Wellbutrin, en fait, Wellbutrin, c'est le nom des médicaments, je connais pas, qui a été utilisé en Angleterre toujours pour traiter la dépression. Et puis, il est allégé que GSK avait recommandé au docteur de l'utiliser pour les déficits de l'attention. Et puis que ça pouvait même aider dans les cas de libido perdu, ainsi de suite, pour même perdre du poids, alors qu'aucune de ces utilisations n'avait été approuvée pour ces médicaments. Alors, la fausse publicité, ainsi de suite. Donc, voyez quand même. Ensuite, Sarkozy, puis Carla, qui apparemment aurait fui vers le Canada. Alors, rapporté par le Daily Mail, des heures après qu'on ait fait une descente dans leur résidence à Paris. Alors, ils savaient que la police s'en venait pour eux. Et puis, ces gens-là se sont enfuis au, en fait, une terre d'accueil pour les criminels de guerre. Et puis, toutes sortes de gens corrompus et tout croche comme ça, de tout genre à travers le monde. Vous savez, on accueille comme ça Dick Cheney, George W. Bush. Hein? Nous autres, on les accueille les bras ouverts. On les trouve sympathiques. Et puis, on vient de accueillir Nicolas Sarkozy qui savait que la police le recherchait. Et puis, vous avez sa femme aussi, Carla Bruni, qui a cherché refuge dans la maison du Canadien milliardaire. J'ai nommé Paul Desmarais. Alors, vous voyez le petit cheval, le petit poulain de Paul Desmarais qui revient au bercail. Alors, c'est lui qui l'a mis au pouvoir, hein, qui l'a fait monter, et puis il a été récompensé d'ailleurs pour ça. Alors, chers auditeurs, encore ce bon vieux Paul Desmarais. Alors, un autre article ici intéressant à aller voir. Alors, apparemment qu'il résiderait avec l'homme de 86 ans qu'on nomme Paul Desmarais. assez spécial. D'ailleurs, Sarkozy qui l'avait récompensé avec la médaille de la Légion d'honneur, qui est en fait la reconnaissance étatique la plus haute en France, en 2008. Alors, ce qui arrive, c'est que M. Sarkozy est impliqué dans différentes fraudes, en tout cas possibilités de fraude, et ainsi de suite. Donc, l'immunité de Sarkozy des poursuites judiciaires s'est terminée le mois dernier, après qu'il ait perdu sa réélection. Et puis là, vous avez des détectives qui ont lancé maintenant des fouilles dans son demeure, à son logis. Alors voilà, Monsieur Sarkozy, bienvenue au Canada. Alors c'est fantastique, merci la France de nous envoyer encore plus de problèmes. On avait déjà assez de Charest et Harper, là, réellement, là, de Paul Desmarais. Là. Alors quand même. Ensuite, on va continuer avec, attendez un petit peu, WikiLeaks. WikiLeaks fait encore des siennes qui prouvent encore que réellement WikiLeaks et M. Assange sont contrôlés, en fait dirigés par les services d'intelligence israéliens et puis américains. Grosse bullshit ici, là, WikiLeaks qui a relâché plus de 2,4 millions de courriels syriens de la Syrie. Apparemment, ils auraient publié plus de 2 millions de courriels de la Syrie provenant de différentes figures politiques et qui supposément jetteraient la lumière sur ces descentes du régime contre la dissension à l'intérieur du pays. Donc, très intéressant. Ensuite, vous avez la Syrie qui détruit, on dit, 5 véhicules turcs. Alors, ça brasse, là. D'ailleurs, la Syrie qui a abattu un appareil, d'ailleurs, aussi. Donc, vous voyez, là, commence à avoir pas mal de tensions, là, dans cette région-là. Donc, les soldats syriens ont détruit 5 camions cargo turcs à Azez. Donc, c'est dans la région de Aleppo, en Syrie. Proche, en fait, de la région qui sépare la Syrie et puis la Turquie. Ça a été rapporté mercredi passé par le journal Milliyet. Donc, On dit que les conducteurs ont réussi à s'échapper et puis à s'enfuir, en fait, à atteindre la frontière turque avec l'aide de l'opposition syrienne. On dit que les soldats syriens ont ouvert le feu sur les véhicules et puis 5 camions ont brûlé. Donc, assez spécial. Ensuite, 6 avions militaires israéliens ont violé l'espace aérien libanais. Alors, je vous le dis, là, vous voyez, là, on essaie de provoquer la Libye, là. Donc, vous avez l'armée libanaise qui ont émis ce rapport disant que des avions militaires israéliens ont volé au-dessus des fermes Sheba et puis Nabatieh et puis d'autres villes comme ça durant l'après-midi de vendredi de la semaine passée, selon The Voice of Russia. Alors, on dit qu'ils volaient à basse altitude au-dessus de bases militaires du Hezbollah situé à Iklim el-Toufa, dans cette région. Alors, on dit que jeudi, vous avez aussi l'armée libanaise qui a annoncé qu'il y avait en fait une 12 d'avions de guerre israéliens qui avaient violé l'espace aérien et puis volé au-dessus de villages situés dans le sud du Liban comme Al-Moshab et puis Rmesh. Et puis dire que Hillary Clinton rageait encore cette semaine que Assad avait descendu un avion turc à l'intérieur de son pays. Il faut bien le dire, encore là, une violation d'un espace aérien. Alors, c'est tout à fait légitime de le faire, on a le droit. Et Hillary Clinton qui ne dit absolument rien de l'acte de guerre commis par Israël contre le Liban. Alors, voyez les deux poids, deux mesures, c'est un autre exemple frappant. Vous avez la Syrie qui a massé des chars d'assaut le long de la frontière turque, alors que les tensions continuent de monter aussi. Évidemment que la situation pourrait empirer en moins de temps que la vitesse de la lumière prend pour voyager. Et puis, c'est malheureusement précisément le scénario que les États-Unis et Israël veulent voir se passer, veulent voir se produire. Et puis, ceci est en réalité une massive guerre civile en Syrie, exacerbée par des batailles entre la Turquie et la Syrie qui, en fait, vont forcer l'OTAN, la main de l'OTAN, à prendre place, finalement, dans le conflit et puis à participer, quoi. Ensuite, une autre nouvelle fort intéressante pour vous, publiée par le Examiner.com. Alors, des terroristes de l'Al-Qaïda traversent la frontière irakienne vers la Syrie pour combattre contre les régimes Assad. Vous avez bien entendu. Alors, vous avez le chef des Nations Unies, ce qu'on appelle la mission en Syrie, a rapporté jeudi passé que la mort et la destruction en Syrie est sans précédent. Et puis, on dit en fait que selon un ancien entraîneur policier qui a servi en Irak, on dit que l'officiel a parlé qu'il y avait des membres de l'Al-Qaïda, de ce groupe terroriste. Alors, vous avez l'Al-Qaïda en Irak, l'Al-Qaïda dans la péninsule arabienne, qui ont traversé la frontière à l'intérieur de la Syrie pour perpétrer des attaques terroristes. Selon le Law Enforcement Examiner, alors selon les sources et les informations qu'ils ont pu tirer, puis qu'ils ont confirmées par le ministre des Affaires étrangères irakien, Oshiar Zebari, on a confirmé que des membres de l'Al-Qaïda, de groupes terroristes de ce réseau, ont traversé effectivement la frontière à l'intérieur de la Syrie. Alors, ils disent qu'ils ont de l'information solide et puis des agents du renseignement qui leur ont rapporté que des membres des terroristes de l'Al-Qaïda, de ce réseau, en fait, se sont dirigés vers la Syrie pour supposément aider à détruire et déstabiliser le pays, et puis pour mener des attaques terroristes. Alors, c'est quand même une nouvelle assez importante ici, là, qu'on a trouvé dans les nouvelles de la semaine. Ensuite, toujours, en fait, dans le même article, on apprend que le ministre des Affaires étrangères a déclaré aux reporters que l'Irak avait averti le régime syrien que des extrémistes militants étaient en train de traverser la frontière à partir de l'Irak vers l'Iran. Mais que ces terroristes sont maintenant en train de combattre dans ce conflit. On dit que il est un fait, Ça, c'est toujours c'est Barry qui avance ceci. Il dit il est un fait que des groupes extrémistes ont un rôle important dans le niveau de violence qui se déroule en Syrie présentement. Ensuite, vous avez l'agence de nouvelles étatiques de la Syrie, SANA, qui a averti eux autres aussi que des groupes terroristes armés avaient bloqué la route entre Damascus et puis Beyrouth, au Liban. Vous avez des rebelles syriens qui ont aussi atteint les banlieues de Damascus, qui se trouvent être la capitale de la nation, et que des sons de combat, en fait, de tirs, de fusils, ainsi de suite, des explosions, se laissaient entendre dans les banlieues, selon toujours SANA. Et puis vous avez Assad, lui, qui a déclaré, si vous voulez, un état de guerre là, dans son pays lundi passé. Il a dit que... Lui, il a déclaré que, en fait, les terroristes sont financés par des outsiders, par des étrangers, des gens de l'extérieur du pays. Et il était armé par eux autres. Alors, voilà. Donc, un paquet de nouvelles dans ce dossier-là. Clinton a déclaré cette semaine encore toujours, la secrétaire d'État aux États-Unis, Hillary Clinton, a déclaré que la Russie et la Chine vont payer le prix pour soutenir Assad. Alors, d'autres menaces comme ça, il n'y a pas de problème. C'est juste la Russie et la Chine, deux puissances nucléaires. Mais ouais, on se permet de menacer ces nations-là. Il n'y a pas de problème. Alors, Moscou puis Beijing qui seront punis s'ils supportent le régime du président Bachar Assad en Syrie, selon les dires de la secrétaire d'État Hillary Clinton, et qui parlait des amis de la Syrie qui s'étaient réunis, ainsi que 100 pays occidentaux, en fait, des personnes qui venaient de ces nations, et puis des nations arabes aussi, qui se réunissaient à Paris la semaine passée. Alors... ouais, c'est quand même des nouvelles assez importantes qui, malheureusement, un coup qu'on les met ensemble, là, je veux dire, on commence à avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe réellement là-bas, et puis c'est loin d'être ce qu'on vous avance dans les médias. Ensuite, vous avez l'OTAN qui a commencé aussi des exercices navals militaires qui ont commencé au large de la côte de la Syrie. Ça, la source est Hurriyet. Alors, vous avez un groupe maritime de l'OTAN qui a commencé à flexer ses muscles dans la mer Méditerranée. Et puis, on a commencé cet exercice-là avec Istanbul dans une mission de combat de terrorisme. Alors, ça, je vous en avais parlé, là, dans le fond, c'est une répétition. Ensuite, vous avez un envoyé des Nations Unies qui ont admis que les efforts internationaux pour trouver une solution politique en Syrie avait rentré un échec. Alors ça se trouve être Kofi Annan là, qui avait déclaré dans une interview publiée samedi passé que la communauté internationale et ses efforts pour trouver une solution politique à la violence qui augmente en Syrie avait rentré un échec. Alors lui, il a déclaré ceci aux médias français Le Monde. Qu'on devait possiblement commencer à penser une intervention militaire ou quelque chose du genre, en fait, qu'on pourra peut-être pas l'éviter, en tentant de préparer les gens à ça, là. En fait, comme je vous disais, un peu plus tôt, c'est ce que veulent les pays occidentaux, donc particulièrement les États-Unis puis Israël. Ils veulent que la Syrie descende dans une guerre civile massive qui ultimement devra être résolu par un genre d'intervention extérieure. Alors, c'est tout ce qu'on veut. C'est le but de la déstabilisation, vous comprenez? Maintenant, la grande question, c'est à savoir si l'OTAN et puis les États-Unis décident de faire ça. La grande, grande question, c'est que fera la Russie et la Chine pour prévenir une telle action? Parce que eux, jusqu'à date, ils ont tenu mordicus à empêcher une autre répétition de la Libye. Alors, une autre intervention militaire, une agression d'un pays. Donc, ça continue. Ensuite, vous avez une nouvelle ici qui parle du département d'État américain qui fait du lobby pour des groupes terroristes. Pour un groupe terroriste, en fait, on dit que depuis le mois de mai de cette année, l'administration Obama a poussé pour qu'on change, en fait, pour qu'on enlève l'organisation terroriste de la liste. En fait, on a une genre de watch list. Et puis, ce groupe s'appelle le Mujahideen e Khalq de l'Iran. Et puis, on dit que ce groupe selon les allégations qu'on apporte, serait responsable de l'assassinat de citoyens américains et aurait travaillé ensemble avec Saddam Hussein. Et puis là, on dit que le groupe a été sur cette liste des groupes terroristes pendant environ 15 ans. Et puis, ils disent que maintenant, là, il serait temps d'enlever ce groupe-là. Alors vraiment, la question, c'est pourquoi maintenant cette poussée pour enlever ce groupe terroriste qu'on nomme MEK, M-E-K. Alors, j'en ai parlé dans le passé. C'est qu'en réalité, si vous voulez avoir la réponse là, qu'on pose dans cet article, c'est que les États-Unis financent ce groupe-là pour déstabiliser l'Iran. En particulier, donc, on a besoin de ce groupe-là pour déstabiliser l'Iran de l'intérieur. Alors, il est illégal, évidemment, pour le gouvernement américain de financer des groupes terroristes, particulièrement ceux qui sont sur la liste des groupes terroristes à surveiller, vous comprenez? Donc, on va l'enlever. C'est comme je vous disais un peu plus tôt aussi, c'est ça, c'est que c'est les deux poids, deux mesures. Alors, les terroristes qu'on supporte sont nos amis, ils font du travail pour nous, et puis ça, c'est des bons terroristes. Puis les autres qui travaillent contre nous, ben ça, c'est des mauvais terroristes. Alors, c'est aussi débile que ça. Donc, petit article important ici à aller voir. Ensuite, vous avez une autre attaque par drone américain qui a continué à faire des dégâts assez intenses, dévasté la vie de 21 personnes dans le nord du Waziristan, au Pakistan. Alors, au moins 21 personnes ont été tuées. La semaine passée, trois autres ont été blessés lorsque des drones américains ont attaqué une maison à Dattakel, qui se trouve à être située dans le nord du Waziristan, selon le North Waziristan Agency. Donc, les attaques ont détruit une maison, et puis avec six missiles qu'ils ont lancés. Et puis, on a tué 21 personnes, alors vous voyez. Donc, c'est ça qui est particulier. Donc, tuer 21 personnes en Syrie, là, c'est terrible. Là. Quand Assad est tué 21 personnes, ou quand on prétend, parce qu'on n'a jamais prouvé que c'était vraiment lui, réellement, là, on sait qu'il y a des escadrons de la mort et puis des groupes terroristes comme ça qui se promènent en Syrie puis qui commettent des massacres et puis qu'on blâme sur le dos de Bachar al-Assad. Eh bien, quand même, là, de toute façon, même si on affirme qu'il aurait tué 21 personnes, eh bien là, mon Dieu, on se met dans tous nos états, on capote, c'est terrible, il faut faire de quoi, là, ah, c'est maudit Assad, on va donner une claque sur les fesses, hein? Mais là, quand les États-Unis, eux, tuent 21 personnes comme ça, des innocents, des gens qui étaient dans leur maison tranquillement, au nord du Pakistan, ben ça, c'est pas bien grave, là. Ça, c'est correct, là. Je pense qu'ils donnent aux familles des victimes une affaire comme 1 000 $ ou 5 000 $, une affaire comme ça, américain, là. C'est vraiment ridicule, là, l'argent qu'ils donnent. De toute façon, il n'y a pas d'argent qui pourrait compenser la perte d'un membre cher de la famille ou ainsi de suite, là. Vous comprenez? Donc, très particulier encore là comme situation. Et puis, dans les deux poids, deux mesures, ben vous avez un paquet de nouvelles cette semaine, réellement, là qui font un peu rigoler, mais en fait, qui ferait rigoler si elle n'était pas si triste. Vous avez un article ici qui fait le focus sur les troupes américaines qui se trouvent au Yémen et qui masquent, en fait, des opérations d'espionnage saoudiennes qui s'y déroulent aussi. Alors, vous avez cette offensive militaire yéménie qui s'est passée à Abyan, dans la province du Abyan, durant les derniers mois, et qui ont apporté beaucoup d'attention aux troupes américaines qui sont déployées dans la nation. J'en ai parlé ici d'ailleurs sur l'autre monde. Et puis les attaques aussi par drone qu'on fait dans cette région-là. Par contre, évidemment, le rôle américain ne peut pas être sous-estimé, sauf que des experts disent aussi que cette attention qui est donnée seulement qu'au rôle américain nous distrait d'une intervention étrangère beaucoup plus importante dans le pays, celle du gouvernement de l'Arabie Saoudite et puis de ces massives opérations d'espionnage qu'ils opèrent à l'intérieur du Yémen. Alors, ça, c'est des diplomates qui parlent de ça. Vous avez des espions avec des fonds illimités. Alors, ils sont extrêmement bien financés. Et puis, ces gens-là On dit que, en fait, on en retrouve plus de 30 000 à l'intérieur du Yémen. Alors, 30 000, imaginez, là, c'est énorme. Donc, on doit comprendre qu'évidemment, l'Arabie saoudite est très avancée dans son état de maladie. Elle est en train de mourir d'un cancer. Et puis, ils ont, de façon désespérée, besoin de s'assurer que très peu de soulèvements sociaux se déroulent au Yémen. OK, pour évidemment éviter que ces soulèvements sociaux se transmettent, soient exportés à l'Arabie saoudite, alors qu'on y trouve toujours un régime en place qui est de nature de famille royale. Et puis, bon, écoutez, là, je veux dire, c'est toute une histoire, là. Je veux dire, finalement, là, la maison des Saoud, là, finalement, sont en train de perdre le contrôle. Ils savent que les conditions à l'intérieur de l'Arabie saoudite se dégradent beaucoup pour la population. Et puis, ils savent qu'un soulèvement, à un moment donné, est inévitable en Arabie saoudite. Et puis, on veut maintenir la population tranquille, bien soumise, bien docile. Pour une raison assez importante, d'ailleurs, c'est qu'en fait, si on coupait le gaz, le pétrole saoudien des marchés, causé par n'importe quel genre, n'importe quel type de rébellion intérieure, populaire, civile, au même moment où le pétrole iranien, lui, serait coupé des marchés aussi, courtoisie d'une attaque militaire externe, serait évidemment un scénario probablement des pires pour le gouvernement américain et puis d'Israël. Okay? Donc, vous comprenez là un peu pourquoi on essaie de garder le contrôle au Yémen. C'est pourquoi que les États-Unis y sont investis, même militairement, mais de même que l'Arabie saoudite, particulièrement eux autres, encore de façon plus importante qu'américaine. L'armée américaine, en fait, c'est un cours de l'armée américaine, autorise l'utilisation de la force mortelle de camps d'internement, en fait, de camps de concentration, si on veut, durant des troubles civils américains. Alors, ça, c'est un cours, OK, de 115 pages qui provient de la U.S. Army Military Police School à Fort McClellan, a été publié en avril 2006, où on apprend que l'armée détaillait un plan brutal qu'ils ont en magasin pour, c'est en fait dans le cas d'un soulèvement civil de masse aux États-Unis. OK, alors, oui, on se prépare à utiliser l'armée dans les rues et puis, écoutez, à interner les gens dans des grands camps. Alors, ça aussi, je n'avais pas dans le passé, mais ça continue de sortir, puis on a des flashbacks comme ça, c'est important d'en faire. Ensuite, le Times of Israel, journal israélien, où une nouvelle assez cocasse. J'aime ça quand on les retrouve dans les médias israéliens, hein, donc... ça, c'est un peu difficile de rapporter, de clamer que votre hôte ici, votre humble hôte François, est antisémite ou quoi que ce soit. C'est alors, on les pige dans les médias même d'Israël. Alors, à ce moment-là, c'est pas mal difficile là, d'accuser qui que ce soit d'antisémitisme là, pour rapporter des nouvelles qui sont publiées dans les médias israéliens, vous comprenez. Alors, la nouvelle est en anglais, Times of Israel, Jews do control the media. Alors, les Juifs contrôlent les médias. Oui, oui, en fait, ils les contrôlent. Alors, un article fort intéressant que j'ai lu d'une traite, évidemment, il est en anglais, comme je vous dis. Là, alors, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous avez été traducteur, mais vous êtes capable de piger quand même quelques phrases clés. Et c'est fort intéressant. C'est évidemment une pièce d'opinion. Là. Ça ne représente pas nécessairement la position là, du journal, mais le fait que ça soit publié dans un journal israélien important quand même, là, je veux dire, montre que il y a quand même de quoi là, aller tirer là. Alors, la partie la plus drôle quand quiconque antisémite ou personne qui est anti-Israël peut dire, en fait, la partie la plus drôle qu'une personne peut dire comme ça, c'est que les Juifs contrôlent les médias et que les Juifs contrôlent Washington. Alors là, évidemment, si vous osez dire ça, chers auditeurs, comme il est écrit dans cet article par un Juif israélien, évidemment, les gens commencent à halluciner, commencent à avoir des convulsions et puis se lancer dans les murs et puis commencer à fondre et puis se réduire en un tas de poussière. On crée des campagnes immenses pour faire tomber ces gens. On s'arrange pour qu'ils perdent leur travail. On publie des articles. On a créé des organisations entières qui existent seulement pour dire à tout le monde que les Juifs ne contrôlent absolument rien. OK? Alors, en fait, cet article, lui, il écrit que, et puis il explique pourquoi qu'en fait, il dit, écoutez, soyons honnêtes avec nous-mêmes, là, ici, chers amis juifs, parce qu'il s'adresse à d'autres juifs israéliens. Il dit, nous contrôlons les médias, nous contrôlons Washington, nous contrôlons les États-Unis. Et puis, là, il explique, Donc, article fort intéressant. Et puis, pour ceux que les oreilles frisent quand ils entendent des affaires comme ça, ben là, écoutez, mes chers amis, qu'est-ce que vous allez dire, là? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est écrit par un juif israélien dans un média israélien. Ha! Et voilà. Alors, il explique pourquoi que, évidemment, les Juifs contrôlent les médias. On en retrouve partout dans les médias. Les 8 compagnies cinématographiques de Hollywood sont dirigées par des Juifs. Je veux dire, c'est ça, là. Je veux dire, c'est comme si je disais qu'ils étaient tous contrôlés par des musulmans ou des bouddhistes, là, ou peu importe, là. Je veux dire, c'est un fait, mais quand même assez intéressant à considérer. Alors, l'armée israélienne, ici, on parle de cette guerre au Liban qui pourrait être violente. En fait, ils disent la prochaine guerre au Liban va être violente, destructive. Ça, c'est l'armée israélienne qui a déclaré ça. Ils se disent en train de préparer une possible guerre, une autre guerre contre les Libans. Une qui s'attendent à être beaucoup plus violente qu'en 2006, selon un média israélien toujours. Ensuite, une autre nouvelle ici, ces choses qui sont pour dans le but d'une démonstration. Alors, c'est quoi cette nouvelle? On a un peu... Ah, ici, OK, c'est... c'est pour l'anniversaire là, des attaques terroristes là, dans les métros, en fait, dans les transports en commun en 2005 à Londres, en Angleterre. Alors, c'était l'anniversaire de cet événement. Et vous avez une compagnie qui est liée encore une fois à ces attaques terroristes qui s'appelle ICTS. ICTS. C'est ces gens-là qui étaient, en fait, responsables de la sécurité dans ces moyens de transport qui ont été piégés à la bombe en 2005, à Londres, et puis qui aussi, d'ailleurs, de façon très curieuse, était responsable de la sécurité dans tous les aéroports lors du 11 septembre 2011. OK? Alors, c'est ces gens qui étaient dans ces deux endroits-là. C'est aussi ces gens-là qui étaient en place lors de... l'attaque en Espagne à la station de train de Madrid lorsque il y a eu des bombes qui ont explosé là. Alors, quand même assez particulier de voir 3 attentats terroristes et puis d'y trouver 3 liens directs à une compagnie qui s'appelle ICTS qui était responsable de la supposée sécurité dans ces endroits. Hein? Donc, réellement, là, on commence à avoir de sérieuses questions qui devraient se poser normalement. Non? Alors, évidemment, les compagnies de sécurité, ICTS, elle provient de quel pays? D'Israël. Ah, ben regardons ça. OK, quand même assez particulier. Même affaire dans l'aéroport où ce qu'on appelle le shoe bomber en anglais, parce que c'est aux États-Unis, là alors, c'est, en fait, la personne qui voulait faire une attaque à la bombe, mais qui avait caché la bombe dans un de ses souliers. Et puis, cette personne avait été permise de monter à bord de l'avion. Hein? Alors, me semble que n'importe quelle personne rationnelle verrait ce type de travail qu'ils font. Il me semble qu'on devrait commencer à éviter de tel genre de compagnie, n'est-ce pas? Et puis, dernière nouvelle de l'actualité, avant qu'on se quitte pour une pause musicale, encore une fois, eh bien, Switzerland, ça c'est la Suisse, défie l'interdiction d'acheter du pétrole iranien imposé par les États-Unis puis l'Union européenne. Alors, on dit que la Suisse va continuer d'acheter du pétrole iranien en défiance des sanctions de l'Union européenne contre la République islamique de l'Iran qui sont entrées en effet le 1er juillet. Donc, voilà pour les nouvelles les plus importantes de la semaine. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais me garder l'autre moitié de l'émission pour parler d'économie. La semaine passée, j'ai tenté d'essayer de résumer encore une fois tout ce maudit système bancaire qui est finalement, si vous voulez, la création des banquiers privés, qui se trouve être un bon stratagème pour eux, en tout cas, là, de voler la richesse des gens et puis s'enrichir eux-mêmes avec un système basé sur la dette et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, comme je vous disais la semaine passée, j'ai au-dessus de 400 pages de titres de nouvelles là, d'économie que j'accumule depuis des mois et puis j'essaie d'extraire les nouvelles les plus importantes pour vous à chaque semaine, sauf que comme je disais, le fil conducteur, le nerf de la guerre, c'est vraiment de comprendre la base du système. Et puis ça, je l'ai fait à quelques reprises dans le passé, j'ai fait des retouches là-dessus la semaine passée. Je crois que ça devrait devenir de plus en plus clair pour la majorité des gens. Vous avez de plus en plus de mouvements civils, de toutes sortes de groupes, autant étudiants qu'ainsi de suite, là, de gens qui réalisent en fait dans quel système on vit et puis pourquoi que finalement on s'appauvrit à la vitesse lumière, vous comprenez? Donc, cette semaine, ben c'est ça, un peu comme je disais, toutes les nouvelles sont reliées à cette fraude massive qui est le système bancaire actuel dans lequel on vit, c'est-à-dire un système bancaire qui est contrôlé par des banquiers privés qui font en sorte que, au lieu de créer notre argent nous-mêmes sans intérêt ou très peu d'intérêt, ben on l'emprunte à des banquiers privés avec intérêt, ce qui est complètement ridicule quand on peut le faire nous-mêmes avec notre banque centrale qui appartient au peuple, n'est-ce pas? Alors, cette semaine, ben, je vais vous donner un peu un aperçu de tout ça. Vous allez voir, il y a des nouvelles récentes, il y a des nouvelles moyennement récentes, et il y en a d'autres. Les plus vieilles, évidemment, je ne les passerai pas, mais je veux dire, il y en a d'autres que vraiment, c'était très important dans le passé, puis ça l'est encore aujourd'hui, alors je vais en parler. Je vais nommer des titres, alors je vais y aller comme ça, un peu dans l'ordre et dans le désordre. Vous allez voir, il y en a qui suivent, mais il y en a tellement que ça se peut qu'à un moment donné, vous retrouviez des sujets attachés l'un à l'autre, mais que ça soit séparé dans l'énumération que je fais par d'autres nouvelles. Mais comme je vous disais, le fil conducteur est évidemment de comprendre que l'état du système actuel, le système monétaire, le système bancaire, est dysfonctionnel parce qu'à la base, il y a une absurdité qui fait que dans ce système, quand il entre en fonction, il y a tout le temps plus d'argent qui est dû qu'il n'en existe à tout moment, à tout point, dès qu'il entre en fonction. Ça ne prend pas un an, ça ne prend pas 100 ans, c'est pas des générations, c'est dès qu'il entre en fonction. Alors, c'est un système qui fonctionne comme ça. Alors, c'est complètement ridicule, mais voilà, c'est quand même important à comprendre parce que c'est évidemment la raison pour laquelle tous les pays, l'un derrière l'autre, sont en train de tomber dans la banqueroute et pourquoi l'économie mondiale est en train de foutre le camp. Bon, évidemment qu'il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de... c'est ça, vraiment beaucoup de fraude, beaucoup de crimes qui ont été commis, même du terrorisme financier, économique, devrais-je dire. Mais la grande raison, en réalité, et puis la seule raison qui, en fait, la seule cause qu'il va falloir traiter, qui va être la vraie cure, la seule et la véritable à long terme, ben, ça va être de se réapproprier ce pouvoir qui nous appartient au peuple, d'avoir une banque centrale qui nous appartient, et puis d'imprimer notre propre argent. OK? Évidemment, selon des politiques qui vont apporter la stabilité et puis la santé économique de tout le pays en entier, ce qui devrait être le but justement de la Banque centrale, mais non pas en créant, c'est-à-dire en empruntant de l'argent des banquiers privés. Je veux dire, vous avez lu les chiffres la semaine passée, ici au Canada, on a payé plus de deux fois, juste en intérêt, tout ce qu'on devait. Je veux dire, c'est complètement ridicule, là. Donc, c'est à peu près de ça que ça va s'orienter cette semaine, OK? Gros dossier très important qui est sorti ces derniers jours, dont on parle beaucoup sur l'Internet, en fait, sur la blogosphère américaine. C'est en fait une nouvelle qui a été rapportée par différents médias, dont les The Economist, ici, dans le cas qui nous intéresse, mais qui a été rapportée là, quand même par plusieurs médias. C'est cette histoire des grandes banques qui ont manipulé les indicateurs centraux économiques du monde. Alors, on appelle ça le LIBOR. L-I-B-O-R. OK? Alors, c'est un mot que je ne connaissais pas personnellement. Sauf que c'est en fait un indicateur qui, pendant des décennies, parce qu'il a été manipulé par les grandes banques, ça l'a porté préjudice, ça l'a évidemment engendré même des fraudes, ainsi de suite. Bon, on parle évidemment des propriétaires de maisons, des étudiants, des propriétaires de cartes de crédit, évidemment des petites compagnies, des villes et plusieurs autres en fait. Tous ces différents acteurs économiques ont été touchés. On a porté atteinte à leur situation à cause qu'on a manipulé ces indicateurs. Alors, ça peut être l'air anodin, un peu comme nouvelle là, sauf qu'il faut évidemment comprendre tout ce qui se trouve derrière ça, mais quand vous allez comprendre l'étendue et la profondeur de ce dossier-là, vous allez voir que c'est assez intense là. En fait, vous avez des gens qui parlent déjà d'un des pires scandales financiers. Là, vous avez des nouvelles là, pour comprendre un peu plus là, ce qui se passe là. Mais écoutez, on parle de sommes d'argent énormes, énormes. Et comme le note le journal Economist, les sommes dépasse de loin, écoutez, ce qu'on pourrait penser. Là, je veux dire, on parle de des millions et des millions de dollars. C'est pas, en fait, écoutez, je voyais un chiffre, là, je veux pas vous sortir des affaires par hasard comme ça, là, mais on parlait de milliards, c'est pas même de trillions. En tout cas, je le trouve pas directement, là, mais écoutez, ici, on parle évidemment des traders, là, Barclays, comme par exemple, là, cette firme financière, Barclays, était un des meneurs parmi les traders dans ce genre de produits dérivés, OK? Puis même des petits mouvements, relativement petits, dans la valeur finale de ce qu'on appelle le LIBOR, pouvaient résulter en des profits ou des pertes quotidiennes valant des millions de dollars. En 2007, par exemple, la perte ou le gain de Barclays en faisant ces petites actions normales qu'on disait, à des taux d'intérêt dépendant de la journée, ben écoutez, on pouvait retirer énormément d'argent comme ça. Alors là, je vous explique ça vraiment gros, là. C'est évidemment qu'il y a plusieurs détails là-dedans, là, mais c'est des gros acteurs qui sont impliqués là-dedans. Puis là, vous avez le Financial Service Authorities en Angleterre et puis le Département de justice américain qui sont impliqués aussi là-dedans. Et puis, vous avez Barclays qui a accepté que ces traders, en fait, ont admis que ces traders avaient manipulé les taux sur des centaines d'occasions, là, dans des centaines d'occasions. Alors, on a manipulé les prix comme ça. Là, c'est en train de prendre la scène médiatique. Ça semblerait impliquer aussi Citigroup et JP Morgan. Alors, deux autres grosses firmes banques importantes d'impliquer là-dedans. Ensuite, c'est un insider ici qui publie un article parlant de Barclays, parlant de leur culture toxique à la banque, rapporté par le journal The Independent en Angleterre. Alors ça, c'est un ancien senior de Barclays, un employé qui a exposé la culture de peur qui opère à la banque et puis toutes sortes de trucs comme ça. Alors, on parle de différentes fraudes et ainsi de suite, là, donc un truc quand même assez important. Et puis, le monsieur déclare aussi qu'il y avait une genre de culture de peur chez Barclays sur le plancher d'échange, le trading floor, et puis qui menait le personnel à, justement, à manipuler les taux d'intérêt comme ça. Ça a rapporté par le Daily Mail ici. Alors, vous voyez, si vous ne le faisiez pas, ben là, vous risquez de perdre votre emploi, ainsi de suite. C'est vraiment une culture d'entreprise, là. Je veux dire, on prend des criminels, puis si vous n'êtes pas prêt à faire notre travail de criminel, ben on va vous renvoyer, puis on va en engager un qui est plus psychopathe puis criminel que vous. C'est littéralement ce qui se passe. Le système financier européen est fortement secoué. J'en ai parlé d'ailleurs un peu la semaine passée aussi, où je vous expliquais que vous aviez ce qu'on appelle des bank runs, là, alors une genre de panique bancaire où les gens ont craint finalement de ne pas pouvoir retirer leur argent de la banque pour diverses raisons. Et puis, on parle justement d'interdire ou peut-être d'instaurer un bank holiday. Alors, excusez-moi pour les termes en anglais, là, mais le bank holiday, c'est comme un genre de congé bancaire, là, finalement. C'est-à-dire que on avait déjà fait ça, d'ailleurs, durant la Grande Dépression de 1923, là, aux États-Unis. C'est-à-dire que on avait fermé les banques pendant une certaine période de temps, là. Je pense que c'était allé quelques semaines, là, où les gens... Puis d'ailleurs, c'est arrivé en Argentine, quoi, une vingtaine d'années, là, même affaire. C'est-à-dire que les banques sont tellement insolvable, tellement tout croche, tellement mouillé, tellement en banqueroute que finalement les gens se rendent compte bien vite là, que c'est pas tout le monde qui va réussir à avoir leur argent. Là. Donc il y a un genre de course, là. Tout le monde commence à paniquer en même temps, là, puis tout le monde commence à comprendre en même temps que là, c'est pas tout le monde qui va réussir à avoir leur argent. Puis là, ben ce qui arrive, c'est que des fois, ça prend les banques par surprise, comme un peu comme ça s'est passé dans différents pays, dont en Grèce, un peu en Espagne aussi, ben un peu pas mal même. Et puis, ben là, des fois, on veut éviter ça. Des fois, on voit venir ça, puis là, ils veulent l'éviter. Fait que là, bang, ils ferment la caisse, ils ferment la banque. Ou ils vont faire comme dans certains pays, ils vont limiter le montant d'argent que vous pouvez retirer. Ben souvent, il est déjà limité, là, mais là, ils vont rendre ça encore plus restrictif, là, vous comprenez? Donc là, vous avez évidemment des différents trucs qui se passent, évidemment, et qui font monter des questions à l'esprit, là, savoir si c'est organisé, on fait passer ça pour une erreur ou un problème. Mais écoutez, vous avez un problème informatique dans la Deutsche Postal Bank, là, la banque postale allemande, qui a cessé pendant un certain temps là, ses transactions par débit, donc les cartes débit. Là. Alors, ça, c'est la RBS, NatWest Bank, et puis ils ont fermé différentes succursales, mais en fait, particulièrement les guichets automatiques. Et puis là, ben, vous avez d'ailleurs une autre banque en Russie cette fois. Là. Ça, c'est la Russie possède une banque qui est très importante. En fait, c'est la plus grosse banque en Russie qui s'appelle Sberbank. Et puis, eux autres ont eu le même problème aussi. Alors, vous voyez, là, c'est comme assez particulier, là, un genre de problème dans les systèmes supposément électroniques et qui ont complètement paralysé les guichets automatiques à travers la nation au complet. Alors, quand même assez particulier de voir ça. Donc, est-ce réellement un accident ou est-ce de quoi d'autre? Je ne le sais pas, mais en tout cas, ça s'est produit. Ça se poursuit encore aujourd'hui. Est-ce que les banques en Europe sont en train de fermer ou à cause des problèmes ou parce que c'est une façon de faire ce qu'on appelle un bank holiday, alors une genre de vacances bancaires, sans la déclarer? Parce qu'évidemment, si on la déclarait ça dans les journaux, ça créerait un mouvement, un vent de panique incroyable, et puis ça risquerait simplement d'empirer la situation. Mais quand même, alors c'est particulier, là, vous aviez un expert, c'est-à-dire une personne qui a écrit l'article, qui a contacté un expert financier en Allemagne, disant que la Deutsche Post Bank en Allemagne avait encore leur machine qui ne fonctionnait pas ce week-end. Alors, voilà. Donc, on disait que ça se pourrait que même ces problèmes ne seront pas arrangés avant le 31 juillet, hein? Et puis, la banque russe Sberbank, ben elle va arrêter tout crédit et transaction par carte débit, hein? Donc, quand même assez particulier. Donc, là, vous avez cette banque, elle aussi, qui ne rouvrira pas jusqu'au 31 juillet aussi. Ah ben, regardons ça, même date, quand même assez particulier. Alors, est-ce que quelque chose de gros est en train de se passer avec les banques qui ferment? s'il y a une vraie vacance bancaire qui est en train de se produire en Europe, eh bien, évidemment, ne pensez pas que cela ne se répandra pas jusqu'aux États-Unis et ses banques, évidemment. Ces banques sont tous unies dans le même problème, dans les mêmes circuits. Et puis, évidemment, que ces problèmes, sans aucun doute, vont devenir contagieux aux États-Unis aussi. Alors, si vous avez d'autres informations à propos de ça, ben écoutez, n'hésitez pas là à nous en faire part. Donc, plusieurs nouvelles comme ça. Ensuite, on appelle ça l'assouplissement quantitatif. J'en ai parlé aussi. Évidemment, ça, c'est quand on n'a pas assez d'argent ou quand on veut soutenir l'économie, mais d'une façon complètement imbécile. C'est-à-dire que quand il y a trop de dettes, ben on en crée plus dans le système. Hein? Donc, la meilleure façon de régler une dette, c'est de la rendre plus grosse, hein? Selon nos grands gourous du système économique. Alors, ces gens-là, eux autres, ils pensent que on va imprimer bien de l'argent, puis on va mettre ça sur les marchés, puis ça va vraiment aider l'économie, là. Alors, pendant ce temps-là, ben votre monnaie, elle perd la valeur à une vitesse exponentielle et rapide. Donc, on a souvent entendu ce mot, ou en tout cas, j'espère, là, assouplissement quantitatif durant les trois dernières années, mais il semble maintenant que c'est comme devenu une partie standard de l'équipement de la Banque d'Angleterre, par exemple. Réellement, là, c'est des trucs qu'on utilise normalement seulement que dans des jours de crise financière très sérieux. Là, c'est pas quelque chose qu'on devrait utiliser souvent. Là. Normalement, c'est considéré comme étant une mesure d'urgence drastique. Ok, je veux dire, c'est comme écouter amputer quelqu'un parce que là, il y a la gangrène. C'est drastique. Il faut couper la jambe là, au complet. Là. Vous comprenez? Donc, ces mesures-là, c'est pas des affaires qu'on fait normalement tous les jours. Là. Là, vous voyez les pays partout, en Espagne, en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, partout. Là, je veux dire, on fait de l'assouplissement financier. On dirait qu'on lave du linge puis ça devient propre. T'sais. C'est assez incroyable les termes qui peuvent sortir. C'est débile. Écoutez, grosso modo, ça veut dire qu'on monétise la dette. Là. On la monétise, la dette. Là. Puis après ça, ben on noie la masse monétaire. Aux États-Unis, on l'a doublé les trois dernières années. Là. Ça veut dire que la monnaie a perdu 50% de sa valeur. Alors, je ne sais pas si vos salaires ont augmenté de 50% récemment, là, mais je pense pas. Là. Puis celle des Américains non plus. Puis je pense que celle de la majorité de tous les gens de nos pays différents, là, réellement non plus. Là. Okay, on s'aperçoit que notre pouvoir d'achat est diminué, que tout est plus cher, mais en réalité, tout est plus cher parce que notre monnaie ne vaut plus rien. Vous comprenez ça? Donc, on crée de l'argent. C'est une mesure qui ne fonctionne pas. Vous avez des politiciens japonais qui ont utilisé cette tactique-là d'une façon massive ces temps récents, avec très peu de résultats positifs. En fait, leur économie a continué de... de réellement aller mal. On appelait ça de « lost decade » en anglais. Là, je veux dire, la décennie perdue aux États-Unis, c'est-à-dire au Japon, une décennie de déflation puis de récession. OK? Enfin, je vois pas quel autre résultat ces gens-là espèrent obtenir en faisant ça ici. Là. Mais je veux dire, j'ai bien de la misère à voir là. Où c'est qu'ils s'en vont avec ça? Hein? Bien de la misère. Il y a encore des apprentis sorciers là, qui pensent qu'eux autres ont une réponse à tout, puis c'est ça, des hauts. Écoutez, là, ces gens-là se font passer pour des hauts gourous de l'économie, puis là, il faut les écouter, puis hey, on connaît rien à ça, puis c'est rien qu'eux autres qui savent c'est quoi. Hein? C'est comme les curés qui ne parlaient que latin là, dans le passé en Europe, là, je veux dire, où l'Église utilisait le latin parce que de toute façon 99% de la population était illettrée. Là. Donc c'était évidemment très facile de les contrôler, de les maintenir dans la peur alors qu'ils étaient ignorants. Hein? Donc c'est un peu la même affaire, on utilise des gros termes finalement qui veulent pas dire ce qu'on pense qu'ils disent, en fait. C'est des mesures de désespoir drastique, là, je veux dire, qui ne fonctionnent pas, en fait, là, comme on a vu au Japon. Hein? Donc, on a imprimé en Angleterre à peu près 50 milliards de dollars de monnaie électronique qui est pompée dans le système financier comme un signe de désespération profond. Et puis, évidemment, que ça ne va pas changer quoi que ce soit, sinon empirer la situation. Hein, j'ai dit empirer souvent là, au cours de cette émission. Disons que les choses vont empirer avant de devenir mieux, hein, comme on dit. Bon, un autre type de fraude, ça aussi, je vous en ai parlé quand même régulièrement dans le passé, mais ça continue, et puis on voit d'autres manipulations de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, les manipulations dans les marchés des métaux précieux. Alors, plusieurs nouvelles que je laisse encore en lien là-dedans, où on voit le cartel de l'or et puis de l'argent qui, juste avant l'ouverture des marchés de COMEX la semaine passée, écoutez, vous avez l'or et l'argent qui ont vu leur prix brisé à la masse, qui est allé dans le sens complètement opposé de ce qui aurait été intuitivement, immédiatement, comment je veux dire, ce à quoi on s'attendrait là, après que on a eu cette, en fait, cette banque de l'Angleterre, la Banque centrale de l'Angleterre, qui avait annoncé qu'il était pour injecter 50 milliards de livres sterling dans l'économie anglaise. Okay? Donc, évidemment que, normalement, ça fait monter le cours des métaux précieux rapidement, là, parce qu'évidemment, les gens perdent confiance en l'argent de papier. Là. Alors, vous avez cette banque d'Angleterre qui a coupé les taux d'intérêt de 25 points. Vous avez même la People's Bank of China, alors la banque centrale de la Chine, qui a coupé ses taux d'intérêt. Et puis, normalement, on devrait voir le cours des métaux précieux augmenter rapidement, alors qu'on a vu en 5 minutes l'or perdre 50$ en valeur. OK? Alors, posez-vous des questions, chers auditeurs, posez-vous des questions. Il y a des énormes manipulations. On essaie d'éviter la panique. Là. On sait que c'est une question de temps. Là. À un moment donné, les gens, là, ils sont pas caves. Là. Je veux dire, c'est sûr que tu peux mentir, comme disait Bob Marley. Tu peux mentir à certaines personnes parfois, là, tu sais, je veux dire, mais tu peux pas mentir à tout le monde tout le temps. Là. OK, donc c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un éveil de la population, puis il va y avoir une confrontation. En fait, elle se produit déjà, la confrontation. Donc, plusieurs nouvelles là, qui font état de ceci. Ensuite, bon, d'autres nouvelles ici qui se répètent, là, je ne reviendrai pas là-dessus. En fait, ici, une autre nouvelle de Global Research, très important article où on dit que c'est la plus grande fraude financière de l'histoire du monde. Celle que je vous parlais un peu plus tôt, là, de Liber, le scandale de Liber. Très, très important. Un autre article ici, fort bien écrit, qui vous explique encore là les tenants et aboutissants de cette histoire. Un scandale immense. En fait, c'est la banque, ça commence avec la banque britannique Barclays, comme je vous disais, là, qui est au centre d'une tempête énorme pour avoir manipulé les taux de prêts interbanques. Particulièrement Liber, qu'on appelle. Je lis ici la signification, c'est de London Interbank Offered Rate. Alors, voilà, c'est les taux interbanques offerts à Londres. Donc, c'est là, je lis le chiffre ici. Bon, enfin, là, vous allez voir, écoutez, les chiffres sont hallucinants, là. Je veux dire, c'est hallucinant. Vous vous rappelez la semaine passée, puis dans les émissions précédentes, quand je vous parlais du marché des produits dérivés, qu'on chiffre autour de 600 trillions de dollars à 1,5 quadrillion de dollars. Hein, vous vous rappelez, je vous avais parlé de ça? Bon, ben là, je vous avais parlé aussi la semaine passée de l'économie réelle dans laquelle nous on travaille, produits, services, qui se chiffre environ 50 trillions de dollars 50 trillions de dollars mondialement, OK? Donc, tous les pays mis ensemble, là, 50 trillions, alors que le marché des produits dérivés qui sont qui est finalement une économie fictive, là, qui n'existe pas du tout, là, on n'échange rien qui existe, là, OK? Eh bien, je vous avais dit que c'est ça, et ce chiffrait à entre 700 trillions et 1,4 quadrillions de dollars. Ben là, écoutez, regardez la taille de cette fraude. OK, donc selon un estimé, c'est autour de 350 trillions de dollars en prêts et produits dérivés qui sont sur lesquels en fait on met un prix au Liber. OK, donc vous voyez là, c'est immense comme marché. C'est plusieurs fois, en fait, c'est 7 fois la valeur de l'économie réelle mondiale annuelle. c'est assez pour payer pour toutes les dépenses du gouvernement britannique pour à peu près 3 siècles au niveau courant. Imaginez, c'est complètement capoté, là. OK? Donc, là, on dit que si la mauvaise conduite des banques causée au Labour était, par exemple, tu sais, les manipulations, s'il faisait, par exemple, une augmentation de simplement 0,1% ou d'un point de base, en fait, c'est zéro, c'est plus que ça, c'est moins que ça, c'est-à-dire c'est 0,001, OK? Donc, c'est un millième de pourcent. Alors, juste en manipulant un petit peu, là, c'est pas beaucoup, là, on n'a pas monté de 1%, là, c'est vraiment là, une fraction, c'est un dixième, un centième, un millième. Eh bien, on est capable d'empocher des montants qui tournent autour de 35 millions de dollars par année en extra à cause des intérêts. Vous voyez, c'est à peu près le budget annuel de l'Angleterre au complet pour le transport. Donc, c'est énormément d'argent. Un autre officiel a déclaré que 20 autres banques seraient impliquées là-dedans, avoir aidé à manipuler les taux d'intérêt. Et puis, ben là, écoutez, à un moment donné, Barclays va devoir parler et nommer ses co-conspirateurs. Donc, vous allez avoir des charges criminelles qui vont être apportées, évidemment. Et puis, on assiste à une autre fraude. Et puis, encore là, on a battu des records. Alors, la plus grande fraude mondiale de tous les temps. Donc, c'est une... écoutez, là, on parle de des échelles énormes, là, je veux dire. C'est complètement hors de ce monde. Donc, plusieurs nouvelles. Un ancien CEO de Barclays a déclaré qu'un tas de banques à travers le monde manipulaient les taux d'intérêt comme ça durant, en fait, ce qui a mené à la période de la crise financière de 2008. Et puis, écoutez, on dit que le scandale affecte un marché de 800 trillions de dollars, ce qui est, aussi on dit seulement 10 fois la valeur de l'économie mondiale, là, mais en fait, c'est encore plus que ça, là. Et puis, ben voilà quoi. Donc, je vais vous laisser lire le reste par rapport à ça. Ensuite, ben écoutez, vous avez le secteur de la manufacture aux États-Unis, le secteur manufacturier qui s'est contracté encore à cause d'un ralentissement global de l'économie. Donc, on a perdu, l'indice est passé de 53,5 en mai à 49,7 au mois de juin. Ça a été compilé par The Institute for Supply Management. Donc, on dit qu'une lecture en bas de la ligne des 50, de la barre des 50, signale une contraction. Et puis, le chiffre du mois dernier était plus bas que la pire prédiction pessimiste. Ensuite, l'Australie puis la Chine qui vont frapper un autre clou dans le cercueil du dollar américain. Alors, ils ont fait ça la journée de Independence Day, alors leur journée nationale. Et puis, c'est une action qui a été portée et puis qui est évidemment qui a glissé sous les radars, même dans les médias alternatifs, disons-le, médias alternatifs financiers. Eh bien, écoutez, la Chine a célébré le jour de l'indépendance américaine en lui apportant toute une gifle. La Chine ça date là, de quelques temps, je crois que c'est quelques semaines, là, mais c'est quand même assez récent. La Chine s'est entendue avec l'Australie, la première nation du G20, et puis ils leur ont accordé l'habilité, la possibilité de convertir directement leur monnaie en yuan chinois, en bypassant le dollar américain, là, finalement en le contournant. Donc, évidemment que là, ça, c'est un autre signe très glauque, disons, très sombre pour, finalement, le statut du dollar américain comme étant réserve mondiale, si on veut. C'est le dollar que tout le monde, tous les pays du monde veut stocker pour leur échange commercial. Alors, évidemment que si les pays, comme des gros pays comme la Chine et puis l'Australie, commencent à faire des échanges bilatéraux, sans utiliser le dollar américain. Alors, évidemment que le dollar américain et son hégémonie est sur la fin. Donc, ensuite, ben, vous avez en Islande, on continue tout le temps d'enfermer des exécutifs de banques en Islande. Alors, on en a beaucoup emprisonnés, pour fraude. Alors, ça continue. Alors, si on faisait la même affaire, peut-être ici au Canada, particulièrement aux États-Unis, ben peut-être que ça irait mieux. Si on regarde l'économie de l'Islande, eh bien, elle a grandi à la plus grande, en fait, au plus grand rythme depuis son crash. Alors, évidemment que quand on fait le ménage et puis on punit les criminels, ben normalement, ça l'aide. Hein? Donc, c'est évidemment ce qu'on n'a pas fait ici en Amérique, particulièrement encore là, aux États-Unis. Donc, on a laissé ces criminels-là courir dans les rues et puis, évidemment, qu'ils vont récidiver, ils sont en train de le faire. Et puis, on va vivre une autre crise économique de très forte ampleur. Les banques qui sont sous pression pour acheter la dette du gouvernement. Alors, vous avez des régulateurs, en fait, européens et américains qui, essentiellement, forcent des banques pour acheter leur propre dette, alors la dette du gouvernement. Alors, c'est évidemment une action qui pourrait se terminer avec une crise de la dette encore pire, selon un analyste de la Citigroup. Donc, vous voyez, là, c'est quand même particulier là, de forcer les banques à acheter la dette du gouvernement. Là. Je veux dire, c'est parce que là, on commence à être pas mal désespéré, n'est-ce pas? Standard & Poor's ont averti l'Inde de... En fait, on risque de dégrader, de baisser leur catégorie, leur notation. Alors, plusieurs pays sont touchés, évidemment. C'est mondial, comme je vous dis. Ça bouge pas mal dans le marché des métaux précieux. On essaye de tenir les prix artificiellement bas pour éviter une panique. Évidemment que si on voit le cours des métaux précieux augmenter soudainement et rapidement, ben là, évidemment que ça va créer une panique. Là. Je veux dire, les gens attendent juste les signes de ça pour agir. Alors, écoutez, là, vous avez une genre de... On dirait une genre de... De peur qui est en train de s'installer, une genre de psychose là, sur les métaux précieux, si vous voulez, c'est que on se trouve face à, comme je vous disais, des acheteurs nets qui se trouvent être des banques centrales de pays qui achètent des métaux précieux, qui sont en train de se protéger, se préparer à un écrasement, un écroulement de l'économie mondiale. OK? Alors, vous avez comme par exemple la Banque centrale de la Chine qui a acheté un record de 100 tonnes d'or en avril de la part de Hong Kong, OK? Alors, dans les 4 premiers mois, les importations se chiffrent à 239 174 kilogrammes. Écoutez, ça a augmenté énormément. L'année passée, on n'avait seulement que 27 114 kg. Alors, on est passé de 27 000 à 239 000 d'importations selon les calculs de Bloomberg. Alors, évidemment que la Chine ne publie pas de tels chiffres. En d'autres mots, si vous voulez, dans les 4 premiers mois de 2012, les Chinois ont, en fait, les achats chinois ont augmenté par 782%. Depuis 2011. Alors, c'est évidemment sans précédent. OK? Alors, si vous pensez que l'or va continuer de va descendre ou que c'est pas un bon investissement ou que, whatever, écoutez, chers amis, réellement, là, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Là. Je veux dire, c'est pas, comme je vous disais, c'est pas des petits joueurs. Là. Je veux dire, c'est des banques centrales. Puis les banques centrales, ils n'en achètent pas juste un peu. Là, 100 tonnes, là, c'est sans précédent. Là, c'est énorme. OK? Donc, des signes que la Chine se prépare pour un écrasement, un écroulement du dollar américain et puis des échanges commerciaux internationaux. La Chine est en train de fondre ses barres, ses lingots d'or dans des formats plus petits de 2,2 livres, en fait, d'un kilogramme. Et puis, on est en train de se préparer pour un système mondial d'échange dans lequel le dollar américain ne vaudra presque plus rien ou, en fait, en réalité, il n'aura plus de valeur d'échange légale à l'extérieur des États-Unis. Donc, il va perdre son statut de réserve. Alors, très intéressant de voir ça et puis de voir, en tout cas, de suivre ça là, réellement, là, c'est des gros signes là, que quelque chose se prépare. La Chine est en train de se préparer pour cet effondrement en achetant des territoires, des fermes en réalité, là, des terres agricoles partout dans le monde. Okay? Alors, c'est assez spécial de les voir aller, n'est-ce pas? Donc, 80% de tout l'or dans le monde n'existe pas réellement. Alors, ça, c'est des chiffres très conservateurs. Là. Je veux dire, j'irais... en fait, on peut aller jusqu'à 98%. Là. C'est un officier de la Gold Antitrust Action Committee, GATA, qui a déclaré que 75% à 80% de tout l'or qui est échangé sur les marchés n'existe même pas. OK? Ça n'existe même pas. C'est juste des piles de papier de contrat. C'est du papier, hein, qui ne correspond absolument à rien. Et puis, quand le système ne sera plus capable de supporter cette fraude, de la cacher, de la supporter, eh bien, évidemment que tous ceux qui possèdent ces titres de papier vont perdre tout ce qu'ils ont. Alors, évidemment, vous allez arriver à la banque, puis la banque, elle va vous rire en face, elle va dire, écoutez, monsieur, on ne peut pas vous rembourser vos titres d'or, ils n'existent pas, on n'a pas le cash, là, on n'a pas l'or, on n'a pas des... Sors d'ici, là, apportez-le, va-t'en, bye. Non, alors, tu sais, pas au guichet, le guichet, il est fermé aussi, on ne veut pas tortiller ton argent. Hey, ciao, bye. OK, fait que voyez un peu le genre, là. Donc, si vous voulez acheter, si vous voulez investir dans les métaux précieux, ben il est important d'en prendre possession, hein, donc d'avoir la vraie chose, le métal, la morale de l'histoire. Et puis, un autre article ici qui parle justement de ces banques centrales qui achètent de l'or comme c'était 1965. Alors, il faut acheter des commodités physiques, OK? Donc, l'empire du papier est en train de s'écraser. Donc, ça aussi, ça continue de sortir sur plusieurs articles fort intéressants. Les banques centrales ont augmenté leurs achats de 400 tonnes métriques d'or, OK? Donc, écoutez, c'est énorme, là, chaque tonne étant 2200 livres, alors c'est à peu près 1000 kilos, là. Donc, dans les 12 mois, à partir du 31 mars, alors, qui ont suivi le 31 mars, donc, c'est quand même assez incroyable, là. Donc, écoutez, c'est une augmentation énorme parce que juste l'année passée, c'était que 156 tonnes. Donc, voyez, là, c'est en train de se passer. Les banques sont en train de se préparer là. C'est là. Ils savent, là, que c'est là le temps de se préparer, là, OK? Donc, c'est fort important de voir ces mouvements-là, de voir ces gros joueurs-là, puis de voir ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, peut-être que ça va vous donner un indice sur quoi faire pour vous préparer, comme je vous parlais la semaine passée. OK? Donc, voilà, c'est évidemment un flot constant d'or qui s'en va dans les voûtes des banquiers privés, des banquiers centraux. Et puis, on peut vraiment le noter. La taille et puis la régularité de son volume. Okay? Donc, on achète des volumes importants de d'or, ainsi de suite. Donc, un autre article ici qui vient d'un trader londonien. Lui, il parle de 515 tonnes d'or qui a été vendu en 4 heures. Alors, vous voyez que ça n'a aucun sens, là. Il vous dit, écoutez, pour une livraison immédiate d'or dans n'importe quel format, nous devons rencontrer certains délais, l'argent, et on a de la misère carrément à la livrer, OK? Donc, il n'y en a pas. Il y a des quantités très limitées, là, OK? On a vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de titres de métaux précieux qui existent vraiment de métaux précieux, là. Ça, c'est... faut qu'on se comprenne. Donc, évidemment, quand vous voyez les taux des métaux précieux baisser, être manipulés, ben c'est ça qu'on fait pour le faire. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des titres, on vend des titres de mettons, d'or, ainsi de suite. De l'or qui n'existe pas, mais juste en vendant de façon massive des titres d'or, ça fait chuter le prix sur les marchés. Et puis, c'est comme ça qu'on maintient le prix des métaux précieux de façon bas pour pas faire paniquer les gens, déjà, qui sont quand même assez élevés. Là, quand même, là, l'or à 1500, 1600, et puis l'argent là, autour des 30$, c'est beaucoup. Alors, vous voyez. Donc, plusieurs trucs comme ça qui se passent. Ensuite, on parle de bankruns encore, de manque de nourriture, des soulèvements sociaux, ainsi de suite. En Grèce, ensuite, c'est quoi ça ici? Morgan Stanley. Morgan Stanley a perdu pas mal d'argent, là. Je veux dire, c'est assez incroyable, là. Les banques, ils commencent à manger une sérieuse claque, là. Vous avez les firmes de notation comme Egan Jones, là, qui ont baissé le taux de notation, là, de l'Angleterre de AA à AA négatif. Plusieurs autres pays ont subi le même sort, OK? En Espagne, la crise européenne frappe. Vous avez un indice du stock market qui s'appelle DAX, qui représente les 30 plus importantes compagnies allemandes. Okay? Donc, vous voyez, c'est quand même important, là. Et puis, eux autres, ces méga corporations-là ont senti déjà, hein, si on veut, la morsure de la situation de la crise économique en Europe, et particulièrement des peurs qui règnent. Et puis, vous avez cet indice-là qui a baissé de 6000 points pour la première fois en 5 mois, là, soudainement, là, lundi, ça date de quelques semaines. Donc, voyez les États-Unis qui vont diminuer ce qu'on appelle les bénéfices pour les gens qui sont sans emploi. Alors, des centaines de milliers d'Américains sans travail vont recevoir leur chèque final. Et puis maintenant, il n'y aura plus rien à la poste. Alors, ces gens-là vont finalement tomber dans un état de survivance. Je ne sais pas trop, là. Alors, voilà. Et puis, là, vous avez un article ici qui parle de ce déclin très abrupt et soudain de la classe moyenne aux États-Unis, mais pas seulement que là. C'est pas ce qu'on en parle ici dans cet article, là, mais je veux dire, c'est partout dans nos sociétés. Hein. On dit que chaque soir, 115 personnes dans 113 véhicules ont passé la nuit là dans 23 stationnements à Santa Barbara. Okay? Donc les gens couchent dans les stationnements dans leur voiture. Les gens couchent dans ce qu'on appelle des tent cities, c'est des villes de tentes. Les gens finalement perdent leur maison, sont dans la rue, puis ils commencent à habiter dans des bidonvilles, là, littéralement, là, aux États-Unis. Donc vous voyez. Écoutez, là, je veux dire, la classe moyenne est en train de disparaître. C'est une guerre ouverte à la classe moyenne. Ils veulent la faire disparaître. C'est pas bien compliqué, là. Ça n'a rien d'accidentel. OK? C'est une destruction délibérée de la classe moyenne. Courtésie de l'administration et puis des administrations précédentes aux États-Unis et ailleurs, comme je disais, dans nos pays aussi. OK? Et voilà. Donc, ça continue. Ensuite, vous avez la banque des règlements internationaux, la BIS, Bank of International Settlement, qui a averti que justement les échanges commerciaux globaux, là, mondiaux, se contractent à la plus rapide vitesse depuis la crise là, de 2008 avec Lehman Brothers. Okay? Donc, c'est quand même, voyez, quelque chose de sérieux là, qui se passe là. Ensuite, vous avez un nombre record de maisonnées américaines qui sont sur l'aide alimentaire aussi, food stamps en anglais qu'ils l'appellent. Alors, voyez, les gens n'ont même pas assez d'argent pour mettre de la nourriture sur la table. Hein? Est-ce que l'Angleterre est en train de s'engager aussi dans un défaut dissimulé, si on veut, là? Ben écoutez, ça aussi, c'est une autre situation. Ça va pas bien en Angleterre. Comme je vous disais, on a fait de l'assouplissement financier de l'ordre de 50 milliards de livres sterling. Et puis, écoutez, là, je veux dire, la situation n'est pas mieux là qu'ailleurs, n'est-ce pas? Donc, toutes sortes de points comme ça, c'est vraiment particulier. L'élite européenne, utiliser la crise financière pour centraliser le pouvoir. Bon, mais un autre article fort intéressant. L'élite européenne qui se prépare de façon prévisible à exploiter cet effondrement qui est en train de se passer de la zone européenne pour encore plus centraliser le pouvoir. OK? Donc, un autre article là, qui parle justement de cette situation-là. Ensuite, vous avez l'Angleterre qui pourrait faire face à pas loin de 5 milliards de livres sterling en plan de sauvetage, en fait, si la Grèce quitte l'euro. Alors, vous voyez, ça va coûter cher un paquet de pays là-bas. Donc, un paquet d'affaires comme ça, là, je veux dire, c'est vraiment spécial. Vous avez le Portugal qui a abandonné quatre congés publics pour finalement sauver de l'argent. Alors, on veut, c'est une mesure d'austérité, Simonac, c'est incroyable, là, je veux dire. Alors, les travailleurs portugais vont cesser d'avoir quatre de leurs congés publics, là, commençant en 2013, comme étant une part du programme d'austérité du gouvernement. Alors, imaginez, c'est incroyable. Alors, on est en train d'éliminer la classe moyenne, puis après ça, de la rendre esclave, comme dans le bon vieux temps. C'est pas vraiment compliqué, là. Ensuite, vous avez l'industrie bancaire de la Grèce qui reçoit secrètement 100 milliards d'euros. Alors ça aussi, ça date de quelques semaines. Alors ça, c'est les banques grecques qui ont reçu, sont vues injecter plus de 100 milliards d'euros en liquidité d'urgence. OK. Alors, ça a été approuvé par la Banque centrale européenne à Francfort, selon FT. Peur d'une bank run aux États-Unis. Alors, les gens commencent à s'inquiéter aussi là-bas. Et puis, pendant ce temps-là, ben vous avez l'Iran qui accepte de vendre son pétrole à la Chine en renminbi. Alors, vous voyez, on commence à faire des échanges commerciaux bilatéraux entre plusieurs pays. Tout à l'heure, je parlais de l'Australie. Là, c'est d'autres pays comme ça. Alors, vous voyez, le crédit, la dette des consommateurs augmente alors que le gouvernement américain encourage les étudiants à emprunter de l'argent pour leurs études, pour leur voiture, ainsi de suite. Écoutez, là, on dit que la dette, le crédit des consommateurs américains a augmenté de 21,4 millions de dollars au mois de mars. OK, on pensait que c'était pour être seulement que 9,8 milliards, ça a augmenté de 21 milliards. Alors, c'est évidemment l'expansion mensuelle la plus rapide qu'on a eue depuis le mois de mars 2001. Imaginez. Donc, plusieurs signes qui vous montrent qu'il y a quelque chose qui se passe. Okay? C'est un système bancaire qui, comme je vous disais, c'est l'argent entre dans le système, commence à circuler seulement lorsqu'elle procède, finalement, quand elle est créée, lorsqu'on crée un prêt avec intérêt. Okay? Alors, lorsque la dette sur la vieille monnaie, la vieille argent est payée, eh bien, on a besoin d'en créer plus de prêts parce que sinon, je veux dire, la masse monétaire se contracte, vous comprenez? Alors, c'est vraiment une pyramide de Ponzi, là, je veux dire, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Là. Lorsque les gens arrêtent d'emprunter, la pyramide commence à s'effondrer rapidement. Et puis, c'est pour ça que, d'ailleurs, le gouvernement américain puis les autres gouvernements encouragent les gens à contracter de plus en plus de dettes. Hein? Et puis même, jusqu'à certains cas, les gouvernements vont même prendre de l'avance et puis vont emprunter de l'argent au nom des Américains puis au nom de leur peuple respectif, sans leur permission, bien sûr. Alors, donc voilà, plusieurs autres nouvelles économiques là, dans le coin de l'économie américaine et européenne. Vous allez voir ça, plusieurs nouvelles là, par rapport à la Grèce, ainsi de suite. Vous avez des nouvelles qui datent un peu, là, mais je vais vous les mettre pareil cette semaine. Donc, voilà, écoutez, chers Européens et chers Nord-Américains, continuez la lutte, continuez à vous informer. D'ailleurs, on apprend que de plus en plus d'Européens se révoltent. Écoutez, les Français, les Islandais, les Grecs, les Portugais, les Espagnols, à un moment donné, là, la grogne va finir par prendre, puis il va être temps que ce système-là arrête, là, je veux dire, ça n'a aucun sens. Là. Un autre article d'ailleurs qui parle de ça, les corporations globales qui minent la démocratie mondialement. Écoutez, là, ça vient d'un rapport relâché par les Nations Unies. C'est ce qu'on appelle le United Nations Conference on Trade and Development, l'UNCTAD. Et puis, écoutez, vous avez un paquet de poursuites judiciaires qui ont été apportées contre des gouvernements par des compagnies évoquant des clauses dans des traités d'investissement bilatéraux. Et on en a plus de 450 de compter à la fin de 2011. Okay? Ça, c'est les cas qui sont connus. Plusieurs sont gardés secrets. Alors, quand, par exemple, vous avez des accords commerciaux qui sont conclus qui font en sorte que finalement, ben, on va couper dans les droits des travailleurs ou dans l'environnement, ainsi de suite, ben, ça plaît aux compagnies. T'sais? Fait, quand les gouvernements passent des mesures qui vont protéger les employés ou qui vont coûter plus d'argent aux compagnies, ben, les compagnies peuvent revenir en cours contre eux autres, puis les poursuivre, et puis les actionner, puis recevoir l'argent en profit qu'ils estiment avoir perdu. Alors, écoutez, c'est sûr qu'à un moment donné, le gouvernement de ces pays-là se trouve à plus avoir même de pouvoir. Alors, vous comprenez. Donc voilà, beaucoup de choses là, comme vous avez pu voir là. Donc ça vaut la peine de regarder ça. Et puis on va en parler pour une dernière fois encore la semaine prochaine, ça c'est certain. On va parler encore de Fukushima, un peu d'économie puis d'actualité mondiale comme on a fait là. Et puis après ça, ben on va prendre une pause. Alors une pause comme je disais de plusieurs semaines. Alors on va se retrouver à l'automne. D'accord? Alors voilà, ben c'est tout pour moi, chers auditeurs. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est toujours un plaisir de vous savoir là. Réellement, sans vous, cette émission ne serait rien. Vous comprenez bien. Alors bien sûr, il faut bien être là pour l'animer, mais il faut bien avoir du monde à l'autre bout pour absorber, propager, comprendre, réfléchir. Alors c'est bien important. Donc, ne lâchez pas, chers Européens qui rejetaient l'austérité, puis Nord-Américains qui se soulevaient contre leur gouvernement. C'est très important qu'on continue. Il faut enfermer ces criminels et puis nettoyer ce système et repartir sur de nouvelles bases. Donc, voilà. Moi, je vous salue bien bas. C'était François Marginand pour L'Autre Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Bye, les amis.